feu dans tes oreilles. 89.1. Décision de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès, c'est fou. Vous arrivez juste à temps pour cette édition des Palmarès C'est fou pour la semaine du 28 avril et au 11 mai. En fait, c'est une période plus qu'une semaine. 2014, moi, c'est Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Phrase drôlement construite, mais oui, c'est la dernière édition des Palmarès C'est fou. Salut, Steph. Salut, Mathieu. Pour la saison hivernale printanière 2014. Après ça, on va passer en format estival. On vous en reparlera plus tard. C'est la dernière donc émission de 3 heures pour l'instant et la dernière émission avec Stéphanie Paradis à la co-animation pour l'instant aussi. Ben oui, ouais. Pour l'instant. Pour l'instant, c'est triste, mais on te perd pour l'été. Je vais juste finir. Ben non, ben je vais peut-être finir faire des tours même au palmarès. Ah, ben ce serait parfait. On sait jamais. Cet été, on va être les jeudis entre 14h et 15h en petit format condensé d'une heure juste avant Assemblage Rookie, la grosse émission estivale qu'on va faire, en fait, que je vais faire avec entre autres Stéphanie et JP, mais d'autres mondes aussi. Mais je vais venir à une condition. OK. Faut qu'il fasse beau. Ah, ah, ah, ah. Tu peux-tu m'arranger ça? Je peux m'arranger. Je vais essayer. Au moins, un petit peu de sable sur le fond du studio, c'est parfait. Ben oui. Mm-hmm. Donc, à l'émission d'aujourd'hui, on fait un petit spécial Double Stuff, un peu comme les Oreo double crème. On va vous proposer deux fois plus de chaque chronique, mais aussi le format de d'autres chroniques. Mais c'est un fake, tout comme les Oreo, c'est pas vraiment le double, c'est plus une fois et demi. C'est un excellent point, c'est plus une fois et demi le poids de chaque chronique. Donc, on parle de Palmer Rest in Peace, on va résumer les deux dernières semaines parce qu'on n'était pas en direct la semaine passée. Si vous n'avez pas remarqué, on était préenregistré la semaine passée, donc on n'avait pas de montage Palmer Rest in Peace. Cette semaine, on combine les deux, donc la semaine passée et cette semaine. Même chose pour l'instant classique, il n'y avait pas eu de montage la semaine passée, donc la semaine du 21 et du 28 avril 2014, ensemble dans un seul méga bloc de 12 minutes, ce qui est littéralement une fois et demie. Ce qu'on fait d'habitude, 8 minutes. Voilà. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Ouais. C'est un peu comme avec les séries télévisées. Ouais. On n'aime pas attendre une semaine en check. On préfère les écouter en rafale. Eh bien, c'est ce qu'on vous offre aujourd'hui. Oui, et un peu comme une série, quand elle se termine, après ça, il n'y en aura plus. Pour l'été, il n'y aura pas de l'instant classique. Il va y avoir Palmer Rest in Peace. J'espère que tu vas sortir aussi fort qu'une série, là. Ah, ben, avec un méchant canon à la fin, là, un gag de la mort qui tue. Oh, mon Dieu! Oh, mais peut-être pas aussi. on va commencer, donc, avant ça, avant de toute chose, par les numéros 1 de la semaine passée. En anglophone, c'était Piff Paff Hangover avec 12-pack. Et du côté francophone, c'était Je m'engage de Pépé sa guitare. On va commencer avec les nouvelles entrées plus tard dans le bloc. Mais en fait, dans les prochains blocs, il va y avoir Ariel, Philippe Braque, Doug Wave, Chad Van Galen ainsi que Drive-By Truckers. Mais comme d'habitude, on commence en 20e francophone et on s'en va entendre Dans nos cœurs de Clément Jacques. Et c'est précédé d'une petite intro de CD là, qui s'appelle Ouchka. Oh! Ouf 4! Oh! C'est ce qu'il joue là? Ouf 4! Eh oh, ben là, Ouf 4! Hein? Est-ce que tu penses que c'est la fille d'Alain Choquette, Ouf 4? Ouf 4! Elle s'appelle juste Où? Où? T'es où? Où? Où? Où? Où? Ouf 4! Où? Ouf 4! C'est les palmarès, c'est fou, Ouf 4! Non, non, excuse-moi, c'est juste fou. C'est fou, Ouf 4, c'est comme en russe, mais féminin.

AGE-UQTR est fière de s'associer à cette présentation des palmarès CIFU. Entrée. Yeah. Chad Van Galen et la pièce Where Are You? C'est la position numéro 19 en nouvelle entrée anglophone sur l'album Shrink Wrap. Et en 19e francophone, tout juste avant, c'était Crow Croc. Comment tu dis ça? Crow Croc. Je parle. Sûr? Ouais. OK. De Doug Way. Ouais. Avant 120e place anglophone, nouvelle entrée de Drive-By Truckers sur leur album English Oceans, la pièce Shit Shots Count. Et de côté francophone, c'était Dans nos cœurs de Clément Jacques. J'ai vraiment aimé écouter Chad Van Galen parce que ici en studio, ce qu'on a, c'est une vidéoclip pour Chad Van Galen et c'est une dent, mais anthropomorphique, donc qui porte des bras et des jambes qui fourre après une brosse à dents. Elle se farcit une brosse à dents. Ouais, surveille ton langage. Ouais, excuse-moi. Elle se farcit. Alors voilà pour le bloc des 19 et 20e. Il nous reste encore de nouvelles entrées, mais du côté anglophone, ce n'est pas nouveau. Alors on les saute, on les mentionnera plus tard. On va aller directement en francophone pour rester là du bloc au complet. Tout à l'heure, il y aura Ariel en 17e avec l'heure de la dose. Mais on commence en 18e. C'est le matin des raisons de Philippe Brac. On parlera assez fou, condensé de la meilleure musique que ce soit vous offrir. Mais hein? Wow! C'est le matin, je suis déjà stone. Puis j'ai encore mes deux yeux pour pleurer. L'air est vicié de mes vestes. Une sombre envie de partir s'abroge. C'était beau, que c'était con qu'on s'en crisse. Mais je te demande pas entre tes cuisses. Y'a de quoi qui marche pas. La tortue se débat dans son terrarium. Et je reste là, dans mon salon, un marathon sur l'opium. Les chambres sont vides, de la tête pleine. Faut bien qu'un dos ravale sa peine. J'aimerais ça me dire que c'était beau, que c'était con qu'on s'en crisse. Mais j'te entrée. 17. Nouvelle entrée. Tu reviens de l'hôpital. On t'a dit t'es pas normal. Des araignées, des étoiles. Gloire au divin diagnostic. Simple désordre chimique. 10 minutes et tout s'explique. Je te pleure, ma sœur. Ah, c'était une nouvelle entrée d'Ariel, 17e place francophone, L'heure de la dose sur l'album Fauve. Et en 18e francophone, c'était Le matin des raisons de Philippe Braque. Mm-hmm. Et entre les deux, un petit trouble de personnalité multiple pour ce bloc. Il y avait un intrus dans le milieu. C'était la pièce Building a Mountain with Our Bare Hands de Language Arts. C'est la position numéro 16 anglophone. On l'a joué tout de suite pour vraiment que ce soit déjà fait, qu'on puisse passer à autre chose. C'est tout à fait voulu. Oh oui, puis elle est bonne. Ça fait que le reste, fait que bravo. Hein? Donc voilà pour ça, on a fait jouer nos nouvelles entrées. Il y en a 6 en tout, mais quand on accueille 6 nouvelles entrées, ça veut dire qu'on doit dire au revoir à 6 pièces. Oh, t'es-tu sérieux? Moi, et ça, ben, c'est triste. Attends un peu. C'est un nom, ça, c'est, je pense. C'est pas ma Rest in Peace. Voici les pièces qui ont quitté les palmarès depuis les précédentes éditions. Mais dis-moi comment c'est pour toi. Et si mon cœur t'appelle et dans un élan une nouvelle, alors c'est moi le trésor. C'est moi le trésor. Mais dis-moi comment c'est pour toi. Et si mon cœur t'appelle et dans un élan une nouvelle, alors c'est toi le trésor. C'est toi le trésor. C'est toi le trésor. Loneliness, he's got his cross in me. Loneliness. Mathieu, ne pleure pas. C'était les extraits des pièces qui ont quitté les Palmarès C'est fou, mais c'est une édition spéciale. Donc, on a commencé en disant au revoir aux pièces qui ont quitté depuis l'édition du 14 au 20 avril 2014. On a donc dit au revoir à David Giguère et sa pièce La pornographie qui est restée cette semaine. Ensuite, Rebecca Higgs et Loneliness qui a duré cette semaine aussi. Pine Tarts, oh non, oh. Pine Tarts avec Young Summer qui est resté 6 semaines. Suivi de Dear Criminals avec Took It From Me, 6 semaines. Et finalement, dans la semaine du 14 au 20 avril, on a dit au revoir à Ballader et Pretty Face qui est resté 6 semaines. Ensuite de ça, on a entendu aussi les pièces qui ont quitté depuis l'édition du 21 au 27 avril, donc plus récent en ce cas-ci. On a dit au revoir à Canaille et sa pièce Poisson d'avril qui est restée un mince 3 semaines. Bah, le mois d'avril est fini. Ah ben c'est ça. Ensuite, Ariel et Ma Haine, eux qui sont de retour maintenant avec une nouvelle pièce, mais celle-là a duré 6 semaines. On a dit au revoir à Marc-Antoine Larche. Oh non, je pourrais plus faire ma superbe blague de l'Arche de Noé. Ben oui. Avec les courants d'air qui est resté cette semaine. Il va falloir que tu lâches cette blague-là. cette chanson-là, elle va me manquer. J'ai comme un attachement à cette chanson-là, les courants d'air, je l'aime beaucoup. Ensuite, Simon Kearney avec Fais-moi mal qui a duré 8 semaines. On a dit au revoir à Damon. Démon de Candle. C'est Damon. C'est Damon. Et finalement, c'était Kendall, t'as bien dit ça. Et finalement, Lederhosen, Lucille et Kristen Muir avec Two Vikings qui a duré 7 semaines. Donc, un gros total de 11 pièces, je crois, auxquelles on a dit au revoir. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. Sur 2 semaines. Parce que c'est l'édition Double Stuff des Palmarès C'est fou. Mais oui. Donc, on fait des chroniques un petit peu plus longues et compliquées que d'habitude. C'est un gros montage, ça. Voilà pour Palmarès In Peace. On fait ça chaque semaine. On va continuer cet été de le faire. Donc, soyez-y. Pour l'instant, on continue avec notre palmarès régulier. On saute par-dessus les prochaines positions. On a entendu Language Arts tantôt en 16e place, donc pas besoin de la réentendre. Building a Mountain with Our Bare Hands qui monte de 4 places. Et c'était une nouvelle entrée la semaine passée. On saute aussi la 16e francophone. Qui est Phil le téléphone de les Hey Babies. Et avant ça, on l'avait pas mentionné, mais les 17 et 18e places anglophones sont aussi sautées. En 18e, Pai Pai avec Pagan Day qui est là depuis 12 semaines. Et en 17e place, mon Dieu, ça va être 12 semaines. Oui. Excusez, je viens de réaliser. C'est long. Et Falling de Haim qui est resté 7 semaines. Ça me surprendrait pas du tout que Pai Pai soit dans le palmarès de l'année au complet. Je dis ça de même. Elle s'accroche, elle joue beaucoup. T'sais. Ah ben oui, mais je l'ai aidé. C'est vrai. J'ai insisté pour qu'on la refasse jouer parce que je refusais son départ. C'est grâce à toi. Et il y a des pièces que je m'empêche de jouer parce que je sais que tu les aimes pas. J'ai pas fait jouer Paper Plane cette semaine parce que t'aimes pas ça. Oh. De Pascal Picard. Mais on va l'entendre tantôt. Mais je t'écoute pas le lundi puis le mardi. Tu peux la faire c'est ça. Jouer. Faut que je me rappelle de les faire jouer quand t'es pas là. Donc on passe au 15e place. Du côté anglophone, c'est Royal Canoe et Just Enough qui descendent de 4. Et du côté francophone, ça monte de 1. C'est sa 3e semaine. Fancy Ghetto d'Alexandre Désilet. Bon, là, c'est fou sur le 89 FM. Dans ce fancy ghetto, mais je viens pour celle dont je suis fou allié. Seul dans mon coin, à la mairie de loin, je vois en son nom elle qui ne connaît pas le mien. De toute façon, pourquoi elle s'en rappellerait de ce pauvre diable dont personne se souvient. Je suis pas assez beau. Quasi quasi nos dos, défends sa reine, mais n'est pas assez beau.

chance, say my say. I had a good time. Oh, I had a good time. No Color et Mirai, lancé numéro 3. C'est maintenant en 14e, donc ça a descendu de 11 places. Et ce côté francophone, c'était Tunnel de Clopelgag. Mm-hmm, c'est la fin de cette portion New Shit des Palmarès Sifo. On se retrouve tantôt pour la portion Top 10, qui va inclure les positions 10 à 6, ainsi qu'un instant classique. Aha! Parce que là, le premier, la première partie était évidente. Là. Oh oui. La deuxième aussi. Puis là, un instant classique, ça va être Double Stuff. Ouais, donc ça veut dire une fois et demie plus que d'habitude. C'est ça, parce qu'on est généreux, mais pas tant. Pas tant que ça, non. Mais ça va être crémeux pas mal. Mais dans le fond, c'est 50% de plus pour le même prix. Oui, 150% de l'original. Ça dépend comment vous regardez ça. Merci. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Bon, ça, c'est la deuxième heure des papas. Je vais vite faire avec ça. C'est la deuxième année des Palmarès Sifo pour la semaine ou la période du 28 avril au 11 mai 2014 et Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Ouais, Colin, ça fait longtemps qu'on s'est parlé. Ça fait même pas une minute. Et quand? Ah, ben oui. Déjà, retour on, pour... On jazzait, là. On jazzait ensemble, mais pas le temps de jazzer ici. On est là pour écouter de la musique. Et on salue d'ailleurs l'émission Voulez-vous qu'on en jazz les mercredis. Voilà. Mais donc, on entre dans la portion top 10 de notre palmarès. Et ça commence par les 10e places, étrangement. Du côté anglophone, c'est Walrus avec Banger qui descend de 3 places. Et du côté francophone, c'est Ornithologie 1. Comment? Ornithologie 1. Voulez-vous qu'on en crache? De Philippe B. Et ça monte de 2. Puis c'est sa 3e semaine. Puis je vais me pratiquer pendant la pause. Ouais, pratique-toi. Là. Bang, bang, banger. Bang. C'est banger, ça fait ça. Banger. Ah, c'est ça que ça veut dire, banger. Tu frappes ses murs. La ville est disparue sous les retailles de l'été, les oiseaux perdus traînent les rues, il ne reste plus rien dans le ciel en morceaux. Oh, oh. On va se parler de la météo. Sur les trottoirs mouillés, les animaux dépareillés s'en vont deux par deux. Les yeux fermés à la fête des morts, la nuit déguise les corps. Vous ne saurez jamais qui je suis. Qui volait bien trop bas. 10. C'est banger! Ça descend de 3 places en 10e anglophone. Et ce côté francophone, c'était Ornithologie 1 de Philippe B. Mm-hmm. Tantôt, les instants classiques s'en viennent. Ouais. Et encore une fois, c'est le spécial Double Stuff. Un peu comme les Oreos, on met 1,5 fois plus de matériel dans chaque chronique. Ah, mais ça va être bon. Est-ce que je peux tremper les instants classiques dans le lait? Ah, ben si tu veux, mais je sais pas, ça dépend. Du lait sans lactose seulement. Parce que si tu veux, tu veux partager avec moi. Mais non, va chercher ton lait. Penses-tu que je vais double dipper dans le même verre de lait que toi? Tu vois? Ben non, t'as le rhume. J'ai un petit peu une fin de rhume, moi. Donc, position numéro 9 du côté anglophone, c'est The Pretty Reckless Going to Hell qui monte de 9. Et du côté francophone, ça descend de la deuxième place, c'est Nuit Blanche de Mange l'ours mange. On n'a pas dit la semaine passée aussi que j'avais un rhume, il finit pas, hein, ce rhume-là? Ça, non, ça finit plus. Bonne chance à ceux qui l'ont attrapé récemment. C'est un peu long. C'était une fête, c'était tellement fantastique. Maintenant pour être honnête, c'est dur pour le physique. J'ai toujours le problème, je ne veux jamais arrêter. C'est magnifique quand même.

Pretty Reckless et Going to Hell. Ça monte de 9 places en 9e position anglophone. Du côté francophone, c'était Nuit Blanche de Mange, l'ours mange. Mm-hmm. T'étais en train de me parler de films tantôt pendant le bloc et là, t'as transitionné. T'as parlé d'autre chose, t'as parlé de. Ouais, j'ai dit, ça a l'air bon. Quoi ça? Des mini aubergines farcies? Je me suis dit, c'est un film français, parce que je le connais pas. C'est une recette, oui. Oui, c'est une recette. Ouais. Je saute du coq à l'âne. C'est ça. Oui, coq et âne sont nos surnoms à JP et à moi. Puis toi, t'es... coq à l'âne. T'es le A apostrophe. Le A accent grave et le L apostrophe. Ah, parfait. Coq, âne et A, ouais. C'est un instant classique. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour les semaines du 21 et du 28 avril 2014. Aujourd'hui, on a une édition spéciale d'assemblage requis. Arrête donc! Un déjeuner au lit, toi. Oh! Avec le petit verre de jus d'orange, du bacon on the side. Ça tombe bien, j'ai faim. T'as-tu des bines? J'ai pas de bines, par exemple, mais j'ai des pets. C'est comme l'étape suivante. C'est ça. C'est plat. Moi, je me sens rassasié. On a entendu pendant 3 heures des chroniques La crème de la crème et La bouffe de la semaine. Je suis plein. Faut que j'aille aux toilettes. Là, c'est une blague. Tabarouette, je m'en vais de ça. Ça finit mal l'émission, je trouve. Mais bon, c'est pas grave. Je pense qu'il n'y avait pas de bine pour vrai. Mes yeux collés non plus. Ouais. On dirait que tu me fais des clins d'œil, mais vraiment, c'est pas ça. Je prends ça comme ça puis que je te saute dessus. Ben, ça serait kinky. C'est ça la faute de kinky parce qu'on est mardi. Et mardi, ça veut dire kinky. Des croûtes puis des miettes. Mmh. Ça, on dirait des becs. Encore là, c'est vraiment, là, tes seins, tes signaux aujourd'hui. Tes seins? Tes seins aujourd'hui sont très pointilleux. Vous pouvez vous inscrire ou inscrire quelqu'un qui est trop gêné pour le faire et qui ne se rend pas compte des bienfaits qu'il fait par son bénévolat. Tantôt, j'ai fait une blague sur Benny, le restaurant avec le poulet. Oui. Ceux qui font du bénévolat chez Benny, ils font de la bénévolaille! La bénévolaille! C'est de la volaille! La volaille, Benny. Merci. Wow. Il y a du café gratuit, tout est mis en place pour favoriser ton apprentissage et c'est souvent plus motivant d'être en groupe pour étudier quand on est tous dans le même bateau. Puis étudier dans un divan, c'est motivant pas mal. Wow. T'as l'internet gratuit pour ceux qui n'avaient plus l'internet chez eux. Motivant. J'ai compris. Salut Steph. Salut Matt. Est-ce que tu remarques les dans ma voix? Non? Ben non, c'est pas si pire. Pas si pire? Non, c'est juste l'air bête qui vient avec. Ah ben c'est normal. Mais on est là pour visiter votre matin à 7h30 tous les jours. Donc vraiment, à 7h30, paf, on repart à zéro. Ça ne peut pas mal aller pour le reste de la journée. Fait que toi aussi, tu te resets. Oui. Sinon, on va aussi faire... Hop, tu vois, c'est là que ça sort. Là. Ouais, okay. La mort? Non. Ah. C'est explicite de demain. Je pense que t'as ta propre mousse de micro. Merci. C'est l'indice qu'il faut aller en musique. C'est pour ça qu'elle est rendue verte? Ouais. Donc, c'est une suite de répondre à 8h30. Hein. Excuse-moi, je voulais pas m'acharner. Non. Qu'est-ce qu'une calorie? C'est intéressant de savoir c'est quoi une calorie. C'est un nouveau prénom pour enfants, je pense, sur la liste des meilleurs prénoms de 2014. Calorie, mais c'est une lorie. Oui. Ah, ben, c'est pas fou. La lettre K, c'est sûr que tu m'étonnerais pas tant que ça que ça devienne un prénom. Non, moi, ce serait pas calorie, ce serait genre une barre gratuite de plus. Tu sais, comme c'est barre de bâton quand on a 6 sur 5. Ça ferait une barre de plus. Au lieu d'être Caroline, ça va être Calorine. Calorine. Pas pire, hein? On est en train de dire qu'il fallait, parsemer, si on veut parsemer... Il y a quelque chose qui s'en vient. Ouais, genre. Parsemer... Ça a de l'air songé, là. Parce que je veux la faire comme il faut. Il faut parsemer les calories à travers la semaine, OK? Il faut y aller, donc, avec parsemenie. Ah! Ah, ben, ah oui, c'est bon. On l'a compris du premier coup, vu que tu as pris ton temps pour la main. Oui. Et avec autant d'animaux qui font autant de dégâts, est-ce que tu penses que ça engage une femme de ménagerie? Hein? Femme de ménagerie. Pas si pire. Pas si pire. Je donne le bénéfice du doute au mucus. Bon public à matin. Bon public. Mais là, j'ai juste pas compris. Une femme de ménagerie, mais vu que c'est une ménagerie d'animaux, puis c'est une femme de ménage d'habitude, ça. Ah, OK. OK. Ouais. Un certain nombre de geishas ont préféré quitter cet endroit parce qu'elles ont trouvé que c'était complètement dégradant d'être envoyées là. Donc, elles se sont regroupées à ce moment en école, surtout à Gion, à Kyoto ou à Fukagawa ou dans la région de Edo aussi. Donc. Ça a commencé à Geshawinigan. Non, je vais pas dire celle-là. C'est pas drôle. Les gladiateurs n'étaient pas par milliers lancés dans l'arène parce que chacun était fort et on voulait bien voir chacun des combats. Donc, ils coûtaient cher en entretien et en formation, fait qu'on les massacrait pas aussi facilement. Quand tu te présentais pour un match de gladiateur, puis là, tu arrives en retard, puis là, il est rendu gladiateur ennemi, puis là, ça... Ouais. Souvenez-vous de Pauline Marois. On allait abolir la taxe santé. La réalité des finances... Taxe santé, c'est donc la AXE. Ce qui est irrésistible. Oui. Ah oui! le désir. Oui, ouais, c'est ça. J'avais pas compris. Il était encore meilleur que la mienne. T'sais. Ah, papa, je me donne 11 sur 10. Oui, 11 sur 10. Merci. 8h35 en ce lundi matin du 28 avril. On dit rarement l'heure. C'est Jean-Philippe Chabot. Oui, c'est Mathieu Plante. Si on dit non tout le temps, par contre. Tout le temps. Plus important que l'heure. T'sais, si tu veux, c'était ta montre à Jean-Philippe Charbonneau. Au timbre, il sera exactement 8h37. Attends, on va attendre le timbre. Oh, hey boy. Oh, c'est un timbre. Ah, j'ai collé. La mousse de micro, hein? Ouais. Toi, t'as pas ta propre mousse de micro comme moi, hein? Non, mais j'ai ma propre mousse de nombril. C'est l'entracte du bloc Écoutons dans la chanson. L'entracte est aussi le nom de mon entrejean. L'entrejean qui est aussi le nom de mon... pipi. OK. Voilà. Dès que tu as la chanson, JP doit deviner le lien entre les pièces. Je te représente les morceaux qu'on a entendus d'une suite rapide. D'accord. A533 avec Boîte à main sur l'album Courte Pointe. Bravo Funken avec Boîte à savon sur l'album Cœur Rubik. Uco avec Le bonheur est dans la boîte sur l'album En pleine face. L'aise majesté avec La boîte à musique sur l'album C'est juste un début. Voilà. Dans les quatre. Il y a boîte, ouais. Il y a le mot boîte. Pour comprendre le sens, faut que je commence par le trois quarts, OK? L'album En pleine face de Uco, OK? En pleine face, OK? Oui. Là, on revient ensuite à, mettons, Cœur Rubik, l'album de Bravo Funken, Cœur Rubik, un cube Rubik, qu'est-ce que ça a? C'est pas des faces que tu dois tordre, tourner pour essayer à faire un bloc de couleurs de chaque côté, donc la face du cube. Ensuite, la boîte à musique de l'Aise Majesté, Majesté, la reine. Qui est sur la monnaie? La face de la reine. Hein? Je pense que c'est évident. Et Courte Pointe, l'album d'Arsenic 33, évidemment. Courte Pointe, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu te mets une couverte d'en face quand t'es fatigué. Courte Pointe d'en face, donc c'est la face. Come on. C'est JP! Oui! Bon mardi. Bon mardi. T'aimerais ça être le jeudi pour pouvoir faire les oh yeah! Oui. Sur la chronique et la bouffe de la semaine. Oui, j'aimerais ça. Je te comprends tellement. Ah, ouais. Tous les mardis, j'ai le goût de ça. T'as le goût de manger. C'est ça. Et les lundis aussi. Ainsi que les mercredis. Il reste une minute à la chanson, mais on pense qu'elle est terminée. T'sais. On pense que c'est fini. Mais il pourrait y avoir un saut de batterie à tout moment. On finit sur une distorsion. Donc, ce qui nous amène, comme ça, c'est comme des chattes, hein? Des chattes. Miaou-miaou. Mais aussi dans l'entrejambe. Ah, féminin, la chatte. Ah, oui. Donc, allons-y avec... Ouais, c'est ça. C'est le lien que j'avais. C'est le lien de ce matin. Il n'y a pas grand-chose à faire avec ça. Kinky Sexy Time. Et aussi, j'aurais pu faire un lien avec les batteries et les batteries qui vont dans un... La batterie de... OK, on va trop loin. Comme le dit l'autre. C'est Kinky Sexy Time. Tu sais, quand tu penses que c'est assez puis qu'il en rajoute encore. Est-ce que tu connais le Penis Snake? Le Penis Snake, non. Le Penis Snake, non. Non, mais si je joue de la flûte, je suis capable de le faire monter tranquillement. Wow! Mais vraiment très tranquillement. Je t'imagine en train de souffler dans la bouche du serpent. Ariel! Et l'heure de la dose antimite, bien Ariel, je trouve. Ou un champ chaleur, comme tu veux. C'est exactement ça. Veux-tu me chanter la chanson thème d'Assemblage requis? Assemblage requis pour toi aujourd'hui! Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. Je pense qu'on a trouvé la formule parfaite. Tu siffles pendant le refrain, c'est parfait. Ouais. Le couplet. Ouais, ouais. On est là pour préparer votre matin, pour le rendre un petit peu meilleur. Une coche au-dessus, un niveau supérieur, voilà. Prenez-vous un café, là, ça va monter en flèche. Amenez-moi en un, vous en prenez un. Ah, aussi. Ouais, aussi. Je le prendrai deux laits, s'il vous plaît. Et moi noir. pas raciste. C'est ça, pas raciste. J'attendais le commentaire. T'es inclusif. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a de prendre un couteau par la lame avec tes orteils par terre? Sûrement. J'imagine. Okay. J'imagine, j'ai pas essayé. C'est pas quelque chose qu'on essaie dans la vie de tous les jours. Là. Oui. Ah oui, ok. C'est un test. Oui. Parce que mon chum me dit que je suis comme un petit singe avec mes orteils. Hein? Fait que je peux faire bien des affaires. Wow, ok. Ça donne une belle relation, une belle idée de votre relation, tout ça. Ce qui nous amène à acheter des choses, un peu comme acheter un billet d'avion, acheter un jet privé pour ses fous avec notre logo sur le côté. Je sais même pas si on a le budget pour faire imprimer un logo sur le côté de l'avion. Moi, je pense qu'on va juste avoir le décal du logo puis pas l'avion. C'est ça, oui, oui. Fait qu'on va pouvoir le mettre sur à peu près n'importe quoi. Tes fesses. Mais. Ça, c'est une blague pour dire que mes fesses sont vraiment énormes. T'as encore l'opportunité de retirer tes paroles et modifier ce que tu viens de dire. Ah, non, ça va. Ouais. J'ai ça. Hey, barbu! C'est une barbe de série! Non, j'ai une barbe, point. Hey, moi aussi, c'est fatigant. C'est fatigant. Hey, come on! Chaque jour, hey, tu te laisses pousser la barbe. Non. Mais par contre, si on pouvait dire, oui, j'ai une barbe de série, Dexter, ou tu sais, genre, c'est une série télé comme ça, c'est ça. J'écoute Breaking Bad, j'écoute Glee, tu sais, je sais pas. Glee? Moi, ça marcherait pas comme barbe. Non. Tu dis, j'ai une barbe de série noire. Oh! La série du Canada. C'est bon, ça. Oui, c'est une femme n'est pas enceinte. Elle se trouve dans un état de grossesse médicalement constaté. Oui, mais si elle est enceinte sans savoir, ça veut dire que... Elle n'est pas constatée. C'est comme un ovni, c'est un objet volant non identifié. Voilà. Elle a un corps... C'est une femme enceinte non constatée. C'est ça. Un corps grandissant non identifié dans mon ventre. Accueillons-le sans plus tarder. Voici Logo Crassus 101. C'est une chanson de Kanjo. S'il vous plaît. Si vous aimez François-Landry, tapez des mains. Si vous aimez François-Landry, tapez des mains. OK, ça c'est. Donc, bonjour François-Landry. Bonjour Mathieu Plante. C'était court comme chanson. Ah, c'était bien. Steph, tu me parles d'un nouveau sentier à CAPTCHA. Un nouveau sentier à CAPTCHA, là. Est-ce que t'appelles ça... Ça sent la litière? Ça sent la litière? C'est qu'à CAPTCHA, ça sent la litière, là. Parce que sentier, ça sent la litière. J'ai-tu le droit de t'envoyer... C'est trop viscéral quand t'insultes CAPTCHA. C'est ça. J'aime pas ça. D'accord. Joke de litière. Ça. Excuse. C'est de la crotte. Je suis allé au dépanneur du Canadian Tire acheter ma malbouffe de la semaine. Il y a un dépanneur à côté du petit garage devant le Canadian Tire sur des forges. Ah ouais, oh mon Dieu. Je les salue, mais il n'y a pas grand chose là. Non. Ben non. C'est la base. Ben, ouais. Je pensais qu'il y avait juste de l'essence, moi, en fait. Ben, en fait, c'est ce que je vous ai amené comme malbouffe de la semaine. Ah, de l'essence. Un petit pichet d'essence. Ah, super. Naturel, essence naturelle. Le mois de mai, c'est le début des périodes chaudes, probablement. Oui, c'est presque une chanteuse. Période chaude? Non, je parlais juste du mai. Ah, mai, OK, période chaude, je la connaissais pas. Là, période chaude. C'était une méga portion de l'instant classique pour les semaines du 21 et du 28 avril. On a mis ça ensemble 2014. Ah là là là là là là. Il y en avait du bon stock là-dedans. Là. C'était dur de faire le ménage pour enlever les choses les moins pertinentes. Il y en avait du moins bon aussi. Oui, il y en avait du moins bon là-dedans. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est des malaises. Hein, oui, il y en avait des malaisants des fois que je me dis, Colin, j'ai dit ça. Ouais. Et il y en a d'autres que tu n'as comme pas compris ou pas aimé dans le moment. Mais Colin, que moi j'ai trouvé intelligente, femme de ménagerie, je trouve ça parfait comme blague, moi. Ben, je sais pas. J'étais peut-être juste distraite. Puis. Moi. Mais bon, c'est une belle période. Ouais. C'est tout pour l'instant classique pour cette session-ci. En fait, on fait pas d'instant classique l'été. Donc, on va revenir en septembre avec une nouvelle saison dans les palmarès. Tu vas-tu faire un instant classique de l'été? Je sais pas, je l'ai fait il y a 2 ans. Je l'ai pas fait l'année passée. Ah ouais, ouais. Ça dépend des années. Je suis pas très, très traditionnel. Je ne suis pas les traditions. T'sais. T'es instinctif. Instinctif. Si spontané. Ça me tente de le faire, c'est ça. Spontané. Si ça me tente de le faire, moi le faire. Si ça me tente pas de le faire, moi pas le faire. Ça se peut que tu le fasses aussi, même si ça te tente pas. Ça se pourrait que quelqu'un me force à le faire. C'est ça. Ouais, c'est la dictatrice en chef qui va me forcer à le faire si je le fais. Donc, on va revenir à nos palmarès, c'est fou. Ben, je vous dirais bien d'écouter Assemblage requis, mais on ne sera pas le matin cet été. On va être l'après-midi. Donc, syntoniser, c'est fou, les jeudis entre 15h et 18h pour une nouvelle édition d'Assemblage requis. Ça va être juste après les palmarès, c'est fou qui, eux, vont être en version écourtée de 14h à 15h les jeudis. Il va y avoir des rediffusions. Allez voir cifou.ca pour les cases horaires spécifiques à partir de vendredi, parce que pour l'instant, on est encore sur la programmation hivernale pour quelques jours encore. alors. Ça va être des petits quickies de palmarès, c'est oui, ça? Oui, c'est ça. Vraiment, ça va être sur deux semaines, les palmarès. Donc, on va... Ben, parce que les palmarès en tant que tels, eux, les palmarès, les feuilles, là, les chansons durent deux semaines. Et l'émission, par contre, va être à chaque semaine. Donc, une semaine, on va faire nouvelles entrées et ce qui rentre. OK? Mm-hmm. Et l'autre semaine, on va faire le top 5 puis ce qui nous manquait à jouer. OK. Donc, c'est comme ça qu'on va fonctionner tout l'été, les jeudis, entre 14h et 15h. Et ensuite, assemblage requis de 15 à 18. Voilà, c'est dit. Je disais qu'on retournait au palmarès. C'est fou, on est rendu en position numéro 8 du côté anglophone. C'est The Stripes, You Can't Judge a Book by Its Cover, qui monte de la 17e place, qui était nouvelle la semaine passée. On commence du côté francophone. Ça monte d'un, c'est Derniers Jours d'Hôtel Morphée. Au palmarès, c'est fou. 89.1 FM. Et si on partait ensemble pour de vrai, si c'était vrai, et si c'était la fin. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Farmer, but I'm a lover. You も歯の切れどこも You can't judge sugar by looking at the cane You can't judge a woman by looking at her mane You can't judge a daughter by looking at her mother You can't judge a book by looking at the cover Like a farmer, but I'm a lover. You can't judge a book by looking at the cover. That's right. You can't judge a book by its cover. Position numéro 8, c'était la nouvelle entrée la semaine passée. Ça monte de la 17e place. Et du côté francophone, ça montait de un dernier jour d'Hôtel Morphée. Ah ouais, on va être rendu au 7e place. D'habitude, à ce moment-ci, on ferait C'était fou. On saute C'était fou pour essayer de rentrer plus de pièces possible, vu que c'est la dernière émission de la saison. Mm-hmm. Déjà qu'on a fait des blocs doubles de Palmer in Peace, un instant classique. On essaie de sauver du temps un petit peu. Ben oui, pourquoi pas. On sauve un bon 10-15 minutes. Cet été, les chroniques vont toutes faire relâche, sauf pour Palmer in Peace. Évidemment, on peut pas se passer de dire au revoir aux pièces. C'est juste une question de respect. C'est un moment donné. Ben oui. Ben c'est oui. Comme si t'enterrais quelqu'un sans funérailles. C'est comme juste OK, bye. Va-t'en. Je veux plus te voir. C'est cheap un peu. Oh ouais. Donc, Palmer in Peace va continuer, mais les autres vont venir à l'automne. On passe donc aux 7e place. Ça monte de 7 du côté anglophone. C'est Be Brave par Sleeper Agent sur l'album About Last Night. Et du côté francophone, c'est l'ancien numéro 1. On s'en va entendre Je m'engage de Pépé et sa guitare. Bon. C'est bon ça? Je m'engage. T'sais? Ouais. Pas comme une ligne engagée. On peut pas dire ça, une ligne engagée. C'est occupé. Hein, ouais, il me semble que oui. Ouais. Tout un de ça, moi. Qui dit ça engagé? Je sais pas. Ben, appelez mes grands-parents. Ah. Et même qui disent, c'est quoi, t'as pas répondu à ton message? Ça se dit pas. Tu viens déjà parce que le mariage était bon dans le temps que le monde crevait. À 35 ans, ça durait jamais trop longtemps. C'était à l'époque où quand quelque chose cassait, on le jetait pas, on le réparait. Aujourd'hui, le gros défaut, on se marie pour la photo. On reçoit deux toasters en cadeau qu'on garde en coxaille so-so. Le contrat est déjà signé pour le jour où ça va planter. Pour pas avoir à s'ostiner sur qui va garder la télé. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Je le sais qu'elle me demandera jamais de choisir entre elle pis ma guitare jusqu'à ce que la mort nous sépare. J'suis un chanteur non engagé et je m'engage pour l'éternité. Me signe tout un contrat avec une clause de non-échange pour son club en reconstruction. Je suis son joueur de concession. On a une équipe de champions. C'est ensemble qu'on est invincible. Que la route nous paraît moins longue, que soudain tout devient possible jusqu'à ce que la mort vous sépare. Je le sais qu'elle ne demandera jamais de choisir entre elle et ma guitare jusqu'à ce que la mort nous sépare. Un chanteur non engagé et je m'engage pour l'éternité jusqu'à ce que la mort nous sépare. Thank you. Sleeper Agent et Be Brave. Ça monte de 7 places. C'est en 7e position anglophone. Et du côté francophone, c'était l'ancien numéro 1, Je m'engage, de Pépé et sa guitare. Hey, c'est rare, mais on a le temps de se faire jouer les 6e places, les deux. Hein? Étant donné qu'on n'a pas de C'était fou aujourd'hui. T'es-tu sérieux? Je pense que c'est pas arrivé depuis le début de l'automne. Depuis jamais? Jamais, jamais. Donc, le numéro 6 du côté anglophone, c'est Mark Mills et Triple Fire Sun qui était nouvelle la semaine passée. Et du côté francophone, ça monte de 1, c'est sa 4e semaine. Ma grande gueule de Mordicus. Amusez-vous avec ça. Mordicus qui va être au festival cet été. C'est vrai? Ben oui. Avec plein de bonnes choses. Il y a plein de... Il va avoir vraiment plein de bonnes choses cette année. Je pense que ça va faire du bien. Ça va attirer un public peut-être plus comme nous. Ouais, plus marginal comme nous. Ah, qu'on est fiers, là. Vous écoutez, c'est fou, la seule station à jouer de la musique indie à Trois-Rivières. Je veux pas imiter Alain Lefebvre en disant ça comme ça, là, mais c'est la seule quand même. C'est quand même ça. C'est une phrase qui est similaire à, mais pas la même. C'est les bonheurs assez fous. Dans ma grande gueule, tu peux parquer ton char, j'ai ta place en masse. Dans ma grande gueule, tu... Ça va découvrir un autre univers. Dans ma grande gueule, on fait un voyage interplanétaire. C'est là où les rêves deviennent réels. Autour des temps, kaléidoscope, où mon esprit ouvre ses portes. C'est cossé à les 6 continents. Dans ma grande gueule, tout est en 3D, tu peux participer. C'est là où les rêves deviennent réels. Où tout est un kaléidoscope. Où mon esprit ouvre ses portes. L'étrange pièce Triple Fire Sign de Mark Mills. C'est en position numéro 6 et ça monte à la 19e place. C'est nouveau la semaine passée. Et du côté francophone, on a entendu Ma Grande Gueule de Mordicus. Et voilà le travail. C'est tout pour cette portion-là de palmarès. On va retourner un petit peu en arrière. D'habitude, on fait les 10 à 6. Ben, enfin, on ne se rend jamais jusqu'à la 6, mais quand même. C'est ça. On a rarement du temps pour retourner en arrière à cette portion-là. On va en arrière, mais vraiment plus loin avec C'était fou. Ouais, c'est mais là, on va aller en arrière, mais un petit peu moins. Moins. Mais on va aller en arrière dans ce palmarès-là. C'est ça. C'est malin un peu, vous me direz, mais tantôt, on a sauté par-dessus les positions numéro 12 et on a envie d'y retourner tout de suite avant de passer au top 5 dans la troisième heure. Donc, tout à l'heure, en anglophone, ce sera Broken Bells et Medicine qui montent d'une place. Mais on commence en 12e francophone. Ça monte d'une place. On s'en va entendre La Fatigue, dont on a créé un monstre. Oui, oui. Hein, Ça n'est pas vrai, c'est fou. Blalalala. Les palmarès C'est fou vous sont présentés en collaboration avec l'AGE UQTR. Yeah. Broken Bells et Medicine, position numéro 12, ça monte d'une place et c'est donc bon. Et du côté francophone, ça montait aussi d'une place. Puis Colin, c'était bon aussi, c'était la fatigue de « On a créé un monstre ». C'est aussi bon que du chocolat, du lait au chocolat, mais sans aucun grumeau. Tu sais, en poudre, mais pas de grumeaux. C'est dégueulasse, des grumeaux. On n'aime pas ça, les grumeaux. Non. Non. Puis mon père, c'était le meilleur pour enlever les grumeaux. Ah oui? Je te jure. Oh wow. Sinon, vous pouvez toujours acheter le mélangeur rapide de Tupperware. Bon gars, là, ils sont Tupperware. Tupperware, Tupperware. Tupperware, Tupper, I don't even know her. Non, c'est une blague en anglais. Oh oui. Ouais, ceux qui comprennent la félicitation. C'est tout pour la portion top 10. On vient avec une portion top 5 dans quelques instants. Et on saura si nos numéros sont toujours du côté anglophone. Pif, paf, hangover avec 12 pack. Et du côté francophone, on sait déjà que ce n'était pas. Ce ne sera pas, en fait. Je m'engage de pépé sa guitare. Merci. Là. CFOU 89.1, la radio des étudiants de l'UQTR. C'est fou, ça! Bonjour, c'est la troisième et dernière heure des Palmarès C'est fou pour la période du 28 avril au 11 mai 2014, la dernière de la saison, et c'est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Oui, c'est la dernière de la saison pour toi aussi, en fait, Stéphanie. Ben oui. Ben oui. Oh. On perd pour un bout, là, ouais, tu sais. Au minimum l'été. Ben oui, mais tu sais, à un moment donné, faut que je prenne un break de toi, là. Ben, c'est bien normal. Je vais animer une version d'une heure seule à partir de la semaine prochaine, le jeudi 8 mai, entre 14h et 15h. La publicité commence déjà à rouler, donc vous allez finir par comprendre cette nouvelle casera. On va jouer différentes nouvelles entrées et positions hétéroclites pendant une petite heure à la fois, étalées sur deux semaines, parce que les palmarès vont être aux deux semaines cet été. Mm-hmm. Comme à tous les étés. Donc, on est rendu dans la portion top 5, c'est-à-dire qu'on va commencer par les cinquièmes places. Plus tard, Pascal Picard et Paper Planes descendra d'une place. Mais on commence du côté francophone, ça monte d'une place. C'est Palais de Mélamine de Mardi Noir. Wow! Imagine les poignées après ça, toi. La mélamine, c'est allé les poignées après la mélamine. Je m'excuse. Oh, oui, la mélamine. Ouais, ouais, je me en plastique comme carré, rectangulaire. Ouais. Avec du rose pastel et du bleu pastel. Ah! Oh. Oh. Oh! bump my head on the same shelf? How many times will I get my fingers jammed in the door? How many mistakes must I make till I learn? How many bruises does it take to be done? How many frogs will I kiss to find the perfect one? What's so special about me that's gonna make it fun? Will I just get bored? What? Are you still around? Can I bump my head on the same shelf? How many times will I get my fingers jammed in the door? How many mistakes must I make till I learn? How many bruises does it take to be done? How many frogs will I kiss to find the perfect one? What's so special about me that's gonna make it fun? Will I just get bored? What? Are you still around? Jump a moving train, I'll chase hurricanes. Just watch me turn around the room. The names head straight to the games. Oh baby, fly away, I'll hurt you too. Paper Planes de Pascal Picard sur l'album All Things Pass. Ça a descendu d'une place là, depuis 4 semaines. Et du côté francophone, ça a monté de 1, c'est sa 8e semaine. Palais de Mélamine de Mardi Noir. Est-ce que tu t'habitues à Pascal Picard? Non. Non, hein, c'est ça change pas, ça. En fait, j'aimerais mieux si elle chantait pas. Ah, pour elle? Je pense que c'est sa voix dans la toune que j'aime pas. Je la trouve adorable. Mais il y a beaucoup de ses chansons que j'apprécie. Okay. Mais celle-là, non. Eh ben. Donc, du côté des quatrièmes places maintenant, on est rendu là. Du côté anglophone, c'est de Pat Kelly avec Airborne qui monte de 6 places. Il est là depuis 8 semaines, donc on va sûrement un jour devoir lui dire au revoir dans les prochaines semaines. Ça va pas être trop long. Et c'est stable du côté francophone. En quatrième place, c'est La mémoire courte de Charlie Foxtrot. Ah ben là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me prends les émotions? Hein? Je n'ai pas tant que ça, finalement. Okay. Mais t'as pas d'émotions. Je sais que t'as pas de cœur puis rien. Tu m'enlèves les émotions à la place de me prendre peur. Quoi? Je t'enlève des émotions. Ouais. C'est comme une espèce de démon. De siphon. D'émotions. On va t'appeler siphonie. Siphonie funny stuff. Inside. On fait inside on the outside parce qu'on l'a fait en ondes, celle-là. Tu te rappelles? C'était un bon moment. Mais hein, je m'en rappelle. Je l'ai ri encore. Et encore et encore. Stéphanie, funny stuff. Les gens réclament sans penser. 4. Yes, Airborne de The Pack 80, position numéro 4, seconde de 6. Et c'est stable du côté francophone, c'était La mémoire courte de Charlie Foxtrot. Ouais, on entre dans le top 3 déjà. Ben ouais. Ben ouais, les 45 dernières minutes de la session des Palmeurs assez fous. Oh mon Dieu, t'es-tu stressé? Un peu, oui. Je trouve ça dommage de couper, chopper ça du 2 tiers pour laisser seulement le tiers pour l'été. C'est pas facile. Ça va être déchirant de choisir les pièces à jouer la semaine prochaine, c'est sûr. Donc, ce qu'on va faire, c'est continuer avec la position numéro 3. Tout de suite, les deux positions numéro 3. Du côté anglophone, c'est Tough Mitts avec Crass and Crumbs qui monte de 3 places. Et du côté francophone, ça fait une impressionnante montée de 17 places. Et c'est Forcé au quitter de Fontarabie. Ouais, mettons que ça passe du fond d'Arabie au sommet d'Arabie, tu sais. Moi, ça me fait tout à penser à... C'est-tu Alice d'Arabie? Oui. Alice Robbie, je pense. Non, c'est quoi, donc, chose de Robbie, là? Rob Schneider, Robbie Schneider. OK, on va laisser faire. Ouais, les enfants. C'est les paroles assez fous. Au 85 fin. Come excellent discerning contributes to life. Been a spoke in the wheel of humanity every time a part of me dies. Taste the drop of the sweat of my brow, and you tell me it's too sweet to be dry. Rather face the wrath of all those real men, rather starve than in a tough hunk of bread. I've been obsessed to play the sad vibe. I'm pushing the boxes while the great chain drives. Searching for answers is a waste of my time. Suggesting answers is a waste of your wine. Crumbs, la pièce de Tough Mitts. Ça, c'est très viril, hein? T'as Tough, tu sais. T'as Mitts comme des mitaines, t'as des croûtes de pain, tu sais, pis des miettes de pain. C'est très, très gars, tu sais, genre, ça fait des graines de toast partout dans le lit, pis okay. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du côté francophone, c'était Forcé au quitté de Fontarabie. Mm-hmm. Hey, sais-tu quoi, Mathieu? Quoi donc? Je t'ai parlé de Alice d'Arabie. Oui. Mais c'était pas ça, je me suis trompé de prénom. Oui. C'est Laurence d'Arabie. Laurence d'Arabie. Ça te dit quelque chose? Ben, la musique me dit quelque chose. Ah? Ben, c'est la chanson thème de Lawrence of Arabia, Overture par Maurice Jarre. Sûrement Maurice. Hein? Mais le pire, c'est que je connais pas ça, je connais juste le nom. Mais j'ai aucune idée c'est quoi. Ça a l'air d'être un film de cowboy. Mettant en vedette, je l'ai vu tantôt, c'était... Oh, ça date de 1962. Exactement, exactement. C'est vieux. Mm-hmm. Oh, Lawrence of Arabia. Eh oui, voilà, voilà, voilà. Il est en train de... Il court sur un chameau, là? Oui. OK. Exactement. Ici, donc, ça nous dit sur Wikipédia là, que Lawrence d'Arabie est un film d'aventure historique britannique réalisé par David Lean en 62. Il est inspiré de la vie de Thomas Lawrence, Thomas Edward Lawrence, dont le rôle est interprété Colin. Interprété par Peter O'Toole. Trop de syllabes là-dedans. Ah, oh, voilà. Quand même! Pendant la Première Guerre mondiale, l'officier du Royaume-Uni conseille aux Arabes du shérif Faikal Ibn Hussein de se révolter contre les Turcs de l'Empire ottoman et de fonder une nation arabe indépendante moderne. Ah! Oh. Voilà. Intéressant. Ouais. Mais je pense pas que c'est mon genre de film. C'est un film biographique et aventure historique. Ah, d'accord. Ouais. Et Alice Robbie, pour ceux qui se le demandent, c'est la chanteuse. Là. La chanteuse Alice Robbie. Tu sais, je sais pas, tu me diras si ça te rappelle quelque chose, là. Mais en tout cas, moi... C'est pas Sico Sico par-ci. C'est exactement ça. C'est un peu sa part. Sico Sico. Nouvelle entrée. Vieille entrée, en fait. Oh, oh, ça monte à la première place. I get to the refrain. Oh, tic, oh, tic, oh, tic, oh, tic, oh, tic, oh, tac, ça tic, oh, tic, oh, met mon cœur tout en micmac. Et lorsqu'il dit coucou, il veut dire aimez-vous, mes amoureux se fient sur lui dans mon patelin. Et quand il crie 8 heures,

walk gently in silence, not to wake him up on the prowl. We play pong in the basement with the last of the keystones in the dark now. Crazy kids in love. De Pif Paf Hangover, c'est lancé numéro 1, maintenant en deuxième place. Et du côté francophone, ça montait de 8. 50 Shades of Beige de Radio Radio. Ouais, d'arc-en-ciel beige, comme ils disent. Beige arc-en-ciel. Que ouais. Oh oui. Maintenant, c'est les numéro 1. Il nous reste encore un bon 25 minutes à l'émission, donc on va avoir le temps de reculer un petit peu en arrière. Mais avant ça, les numéro 1 sont maintenant et il faut faire des jeux de mots parce que c'est pas mes parents qui vont me dire quoi faire dans la vie. Je suis un gars qui est capable de ça, tu sais. De suivre ma... Non, pas vraiment. Finalement, j'ai besoin de quelqu'un. Hein. C'est ça. Mais bon, de toute façon, c'est pas grave parce que mon père, sûrement, si ça suivait l'histoire, serait un hippie. Et un hippie, ça va pas suivre les règles non plus. Non, non. C'est pas parce que tu te dis, bon, il faut des jeux de mots numéro 1 qu'on va y faire. Je m'en fous, je suis un hippie. Hein? Voilà. Hein? De toute façon, mon père, il est mort, donc pas vrai, là. Mais pour l'histoire, c'est qu'il est mort. Et puis il s'appelle Jacques. Jacques mort. C'est pas vrai, là, tout ça, là. Il y a rien de vrai là-dedans, là. C'est comme. C'est aussi vrai que l'histoire du Yeti ou du. Tu sais, du. Comment on appelle ça? Du Sasquatch dans les montagnes. Parce que, tu sais, dans les montagnes, il y a du feu. Hein? Puis ouais. Apparemment que c'est lui qui est parti. Je sais pas. Ça, là, ça se tient plus, mon histoire. Là. Et mon père était un Yeti, je pense. C'est ça. Je pense que c'est ça l'histoire. Mon père, c'est Yeti. Ah, s'il te plaît, Jacques le Yeti. Puis il est mort, puis c'est un hippie, puis c'était mon père. Voilà. Donc, les six mots, sept mots du numéro 1 sont faits. Du côté anglophone, ben, j'ai encore une fois, comme toujours, honte de mes jeux de mots. Je sens la misère là-dedans. Je me sens misérable tellement j'ai envie de déménager à Tokyo, de devenir policier et me partir un club. Tu vois, genre, tu vois comment c'est fort, mais je ne me suis pas. Oui, t'es allé chercher ça vraiment loin. Je me suis vraiment forcé, c'est comme si j'étais allé dans le champ, film, pour creuser des mots pour ensuite les mettre ensemble et faire une phrase qui donne ce que je viens de faire. Explique-nous tout ça en incluant les noms des pièces, artistes et albums. Oui, oui, oui, je vais essayer d'être précise cette fois-ci. Donc, on s'en va entendre du côté anglophone. Ça monte d'une place, c'est Miserable de Tokyo Police Club, tiré de l'album Force Field. Mais tout d'abord, on s'en va entendre du côté francophone. Une belle montée de 13, c'est seulement sa troisième semaine. Père Hippie de Jacques Maure, de l'album La Montagne de Feu. Je me suis vraiment forcé pour la finale de la saison, je trouve. Hein? Ah oui. C'était comme... Ça accroche. Ah, au-dessus de la coche, même. C'est les palmarassiers. première position. I wanna travel to the future again. I wanna travel to the future. I wanna travel to the future again. I heard about it from a friend of a friend. De chaque côté, en anglophone, on va entendre Tokyo Police Club et Miserable sur l'album Force Field, ça monte d'une place. Et du côté francophone, ça montait de 13, c'était Père Hippie de Jacques Maure. Miam, ça veut dire qu'il nous reste encore une quinzaine de minutes pour parcourir ce qu'on a sauté plus tôt dans l'émission. Ça arrive comme ça, c'est rare qu'on a autant de temps. Mais aujourd'hui, on n'avait pas C'était fou, entre autres, un long bloc, donc on se gâte. On va retourner en arrière pour aller entendre des pièces un petit peu pêle-mêle, donc pas vraiment de position. Ben, ils ont des positions, évidemment, chacune de ces pièces-là, mais on n'ira pas, mettons, avec les 12e ou rien. On va aller avec plus tard la position 18, Pagan Day de Pai Pai, on se gâte. Au milieu, Horses Fell en 13e place anglophone par The Darcys. Mais on commence en 11e, toujours en anglophone, c'est The Factory Gates de Kaiser Chiefs. Ça, c'est bon! On se gâte. Mais, avec un petit peu de jambon. Dans les petits pains Kaiser, je parle. Ok. C'est pas clair. Non. Fait transitionner vers le. Je pourrais te slapper avec des tranches de jambon. Ah, miam! Mon fantasme! Tu me connais tellement bien. So this is the age of the train. All aboard through the labor exchange. My mind is running away with me. I'm a sharp one. Campaign. L'Association générale des étudiants de l'UQTR est fière de s'associer à cette édition des palmarès CIFU. Ah, il y a un coup de vent qui pogne dans cette chanson-là à la fin. Pagan Day de Pie Pie, position numéro 18 anglophone. Tout juste avant ça, on a entendu en 13e anglophone Horses Fell de The Darcy's. The Darcy's. On a débuté avec Kaiser Chiefs et The Factory Gates qui descend de la 8e place à la 11e anglophone. Dans quelques instants, à la fin de l'émission, on va se quitter sur la plupart de nos stations avec une chanson qu'on a sautée précédemment, Falling de Haim en position numéro 17, donc à la toute fin. Le temps de vous dire que c'est tout pour l'émission de cette semaine et c'est tout pour la session des Palmarès C'est Fou. Oh, déjà? Oui, déjà. On va se retrouver dans un format condensé cet été, les jeudis entre 14h et 15h. Soyez-y, c'est juste avant l'assemblage requis qui va être de 15h à 18h, donc une case d'une heure avec les nouvelles entrées, le top 5 certainement, il y a un paquet d'autres affaires là-dedans, mais pas tant de chroniques et pas tant de moi. Un premier, je vais venir faire des tours. Une fois de temps en temps, on va s'envier de toi. Je vais faire des tours, je vais mettre coussin péteur. Non! mais pour l'instant, on repasse quand même les vendredis soirs à 17h. Après nous, c'est les Bonnets Rouges et Skypunka et les dimanches entre midi et 15h. Restez là pour Raconte-moi ta vie, les branches et le monde à partir de 16h. Mais en fait, je crois que cette semaine, en tout cas, la programmation est un petit peu floue la fin de semaine, donc peut-être qu'il n'y aura pas Raconte-moi ta ville. Je sais que Branche et le monde va être là à 17h, ça c'est sûr. C'est fou.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion. Passe un bon moment, j'attends qu'on se revoie, Stéphanie Paradis. Ben oui. Je sais que ça va dans quelques semaines, éventuellement. Ou dans 5 minutes. Ou dans 5 minutes. Dépendant jusqu'au trajet chez nous. C'est ça. Donc, passez une belle journée. Haim, ça vient sur la plupart de nos stations. Bye. Bye. And they're calling for me.